In order to know your history, you have to know the facts. It's time for Do You Know the Facts? Who, in the first three decades of the 20th century, founded and developed a large and prominent commercial and educational enterprise centered on cosmetics for African American women? The answer in just a moment. If you said Annie Minerva Turnbow Pope Malone, you definitely know your facts. Stay tuned for more facts during KFAI's special programming for Black History Month. For more details, visit kfai.org/bhm2014. This has been a moment in Black history. For KFAI, I'm Cynthia Montana. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Community Radio, and 106.7 FM St. Paul Radio Without Boundaries. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Radio, radio communautaire KFAI 90.3 FM à Minneapolis et 106.7 à St. Paul, Radio Sans Frontières. And this is Bonjour, Minnesota, and we have on the line in 1 minute here, Kara Black. Hello, Kara. Hi, Carol. Well, bonjour. Welcome. Bonjour, bonjour. Thank you. And welcome so much to Bonjour, Minnesota. For our listening audience, Kara Black has, how many, is it 14 now, Kara, or more novels? It's 14, that's right, Carol. 14 books set in Paris. 14 and books. The latest one was Murder in Pigalle. Ooh. And what a great one that was. I had the pleasure of reading it, and I had never heard of your works before, and I don't know how I missed it. And, thank you. Tell us a little bit about the works that you've done, Kara. Yeah, well, I write my stories set in the 1990s in Paris. So they have cell phones, they use the computers, but there is no Facebook, Google, no tweeting, no texting. But it's a time that I got to know Paris again very well. So the first story, Murder in the Marais, takes place in November of 1998. And now the latest book, Murder in Pigalle, we're in June of 1998. So 5 years have elapsed in my private detective's life. Her name is Aimée Leduc, and she's half French, half American. Taller and thinner than I am, of course. She lives in a great apartment on the Île Saint-Louis, inherited from her grandfather. She has a Bichon frisé and a godfather, Morbier, who's in the police force. The stories span her taking over the detective agency in different parts of Paris. So she's turned it into computer security, but she does have a criminal background, so she investigates crime by, it's sort of become by arrondissement. The first one was in the Marais. The second one was a murder in Belleville up in the 20th arrondissement. The third one is in the Sentier in the old garment-making district. And it also deals, you know, with social issues in France, in Paris. What it's like living in this beautiful historic city with, you know, the legacy of colonialism. So now Aimée goes to Pigalle, the red light district. But which, in a way, is full of families just doing their work, their daily work, even though the occupation there is... Well, doubtful, shall we say, or? Yeah. Well, Carol, there's two worlds. My friend lives near Pigalle, and she raised a family there, and she said there's two worlds. You know, there's a world of in the day, you know, families with children. They go to school. They go to the squares. They hang out in the cafes. They go shopping. And then there's the world of the night, you know, which has the people that inhabit that world, you know, which is, you know, hostess bars, clubs, cabarets, theaters. And there's still a really vibrant theater scene there. There's 13 actively running theaters in that part of Paris, which I thought was amazing. You know, they're from tiny to large. And so the people who also live near Pigalle are people who work in the entertainment business. Not only dancers, but you've got makeup artists, you have, you know, stage people, you have costume designers, so you have actors. So, you know, it really, it is an entertainment world as well. Well, I knew someone who had his shop right across from the Théâtre Charles Dullin. So just up the hill a bit from Pigalle and the Boulevard. So, yeah, that's a wonderful theater. I saw Philippe Noiret play once in of course, sadly passed, but saw him in a show there. He was just a wonderful actor. And there's a question here for you. Yeah, Kara, this is Olaf. I have a question. What amazes me when I look at these books or the stories, the detailed local connaissance that you have. I mean, you know everything there. How long were you in Paris? I mean, how much time have you spent there? It amazes me. Really. Well, yeah, thank you, Olaf. Well, you know, I really, when I go to Paris, I just hang around with the police and take them out drinking. Okay. That sounds like that's always the best, no matter. Yeah. But and actually, I did get to hang out with an undercover policeman, Fleek, you know, in Pigalle, and walk with him. It was totally amazing. But I've been going to France for many years. I have good friends. And I go usually twice a year to research. But when I say I go to Paris, I have a friend who has a cat, and I get to cat sit. So when she needs a cat sitter, I try and, you know, say, well, I think, you know, twist my arm, maybe I can make it. But, I never knew when I wrote my first book, Murder in the Marais, that I would be writing a series or that, you know, I would be lucky enough to have to go back, you know, to research facts. In the 90s, too, remember, it's different. We were, you know, I couldn't just Google something or email someone in Paris to check a detail. I had to write a letter. Yeah, remember those? Yes. Well, yeah. Oh, yes. And go there. It was different at the beginning of my research. Okay. So, but then, for example, and I mean, as you roll along with your novels, and then you get to know the police and so on. But the first one, the Murder in the Marais, I haven't gotten. I mean, I didn't find it in the library here. But the point is, up to then, you didn't have anyone. You didn't have the police. Or how did you manage this? It's amazing, I think. And then the style is. I mean, this is not like, what should I say? Like Guide Michelin, dry and. But you, reading those novels of yours makes you want to go to Paris. You know. Oh, well, good. That's great. I think it's, I grew up in California. I went to a French Catholic school. I learned French from nuns when we had nuns, but a very old French. My father was a Francophile, and he loved good food and wine. And my uncle lived with us for a while. He had lived in France, Paris. After World War II, he had studied art on the GI Bill. Okay. But he actually just drank a lot of red wine. But, you know, I grew up with, you know, and he lived with us at dinner. He would talk, you know, and I really wish I had written it down, but I hadn't. But I sort of had this strange kind of Francophile family, even though we are not French. So when I first went to Paris many years ago, backpacking, you know, I was 18 years old and traveling around Europe with that book, $5 a day, Europe on $5 a day. We slept under the Pont Neuf, you know, it was different then, and I wouldn't do it now. And I remember trying to, you know, determined to speak French and, you know, probably ask some gentleman directions. And finally he just put his arm on my shoulder and he said, young lady, in perfect English, you're so earnest, you know, but your French is something we haven't spoken since the 1900s. And I realized it was the nuns, you know. Anyway, but I did live in Europe. I went back often to Paris because I had good friends there who I could stay with. And it just kind of happened over the years. But it happened, it was in 1984. when I met my friend there who took me to the Marais. Now, if you remember, the Marais in the 80s was not gentrified as it is now. It's very different, you know, very still kind of soot-stained. And she took me to the Rue de Rosier, and she said, you know, my mother lived here during the war. And I said, I had no idea. She said, my mother was 14 years old. She wore a yellow star. She came home from school one day. Oops, something is... I don't know if they can they hear your. The number you have dialed has not been recognized. Okay, well. Please try again. Maybe. Hello? Are you back? Hi, I think we got cut off. Yeah, somehow or other. I mean, these are the gremlins. But if you've been in Paris in those years, you know, right. you know what the. What's the phone called? I mean, the long distance phone. How they would come, terminé. When you were trying, and they were screaming at you when you had to do your phone by. Uh-huh. By well, I mean... You had to get a token and use it at the cafe. Yes. Yeah. Yeah. So anyway, you know, I mean, there was a lot of my time spent then, but when I came back in the 90s, I remembered that story, and I wanted to write about that because, you know, here's Paris, who has a you know, kind of the shame of collaboration. You know, they were occupied, but people didn't want to talk about it, and I wanted to explore that story of my mother's. And so I knew I couldn't write as a French woman because I can't even tie my scarf the right way. And we know that's genetic. But I wanted to write about Paris. I mean, it feels, when I go there, it feels very familiar, yet I'm always an outsider, you know? And so Amy Leduc, my detective, is half French, half American, and she is an outsider still. So, and I think, you know, when you talk about the details, as an outsider, we notice things, right? We you know, just like you were talking about on the telephone, I mean, for French people, that was normal. But, you know, those things you remember because you, again, are familiar, yet you're still an outsider. And I think I like to bring up the details that strike me that are so distinctively Parisian or something someone would have experienced on the street. You know, I was in Pigalle. I often go to the area and just spend days there, and I want to see how the light hits a building at a certain time of day when the, you know, street cleaners come, mm-hmm. When people are coming home from school or work, you know, and the atmosphere, the life in the street, and it's really about capturing that and trying to bring that to the page. Well, you certainly have, because each area that you wrote about has a distinctive sense of what it's like. It's like a many small villages, and you've picked that up. Thank you. Yeah. So well, I think they do. They have their own flavor, their own character. You know. Yes. And some people simply say that they don't, if they are in the Marais or in the Île Saint-Louis or wherever, they stick to their quartier, and they actually don't go all over Paris. I mean, they kind of stick to where they more or less where they live. And right. They stick to their village. They say. Exactly. Yes. Yeah. You're coming here, I understand. I am coming March 6th, and I'm so excited because I love St. Paul and the Twin Cities. I'm going to be speaking at the Alliance Française at, I think, 5:30, something like that. And then I'll be over at Once Upon a Crime. Yeah, that's a nifty little bookshop. It looks like something out of a movie set, doesn't it, Olaf? Pardon? Right, and the owners, Pat and Gary, are wonderful. They're very nice. They're really a huge support of all the people in crime fiction. You know, William Kent Kruger, one of your native sons there. I often meet Kent there when I'm in town, and he comes to a reading, and we go out and have dinner. And, you know, he's known Pat and Gary forever, and they've supported him and everyone. And it's so important to have a wonderful independent bookstore. Yes. Right? We want them. Exactly, exactly. Yes. Now, you're scheduled to be here March 6th at 5:30 to 7 at the Alliance. It's free and open to the public. And then you will be at Once Upon a Crime, 604 West 26th Street in Minneapolis. Right. And you will be signing books. I will. And what I really, each of my books has a map of the district. So you'll have a map of near the Pigalle, which is, I write about the 9th arrondissement, which is touching Montmartre. But yeah, I love the map. And often people come to me and say, oh, I took the book to Paris and I, you know, followed the map. I followed where Amy went. I said, great. Also says that you are a New York Times best-selling author. Yes, this last book, Murder Below Montparnasse, it came out last year. It hit the New York Times list, and I'm just very thankful, and you know, the support of people like Pat and Gary at Once Upon a Crime, and everyone in the community who goes out and buys books, you know, and it's really, really, you know, after 13 books, it was a wonderful, wonderful thing to happen. Where can they find your books? Sorry? Once Upon a Crime, I know, has your book for sale. Right, right. And Barnes & Noble downtown and Uncle Edgar's Mystery Bookstore. Right. On Chicago. Right. Right. Yeah, you can get them anywhere, really. You can get them online, and, you know, of course, I love it when people support their local independent bookstores. That's right. I fully agree with you there, yes. Right. Yeah. Are you doing a follow-up for Murder in Pigalle? Well, how many... You haven't done the 16. You're only at what, 12? So there's still this four. This is number 14. Oh, fourth. So there's still two more arrondissements in which you. Six more, Ola. Six more. Six oh, more. Oh, yes. Some are 20. Il y a Clichy and Rue Pigalle are the same arrondissement, right? Or. Well, in Murder in Clichy, I talk more about the 17th, kind of the other side. But yeah, they border. Or Montmartre, Murder in Montmartre. That's yes, I've done that one. Yeah, but with I mean the Corsicans. Pigalle is what arrondissement? Well, in my book, I refer to Pigalle as the area below in the 9th arrondissement. In the 9th arrondissement. Okay. Yeah. Okay. Well, no. So you have Nouvelle, you know, and. People also refer to Pigalle as the 9th and a little bit of the 18th, right? You know, Montmartre. But it's kind of, you know, there's many theaters. And, you know, it's also an area where Georges Sand lived, Chopin, Liszt, Berlioz composed. You have the painters Degas, Vuillard. Almost everyone lived there, at one time. So there's this rich history. It's very close to the Conservatoire. You're probably right near there. Okay, yeah. Oh, Paris Conservatory. Mm-hmm. Right. Well, I am especially interested in what's going to happen to Amy Leduc because she is very pregnant in this story. She is. You'll have to read the next book. Well, have you started on that one, or is that in the works? Oh, yeah, in the works, definitely. I've been writing a book a year. That's fantastic. You know, but I read a series, and for me, it's only 5 years in Amy Leduc's life. So, you know, and in this book, she's kind of growing up at least a little bit, but she's an edgy person and, you know, being pregnant is really forcing her to look at, you know, at her life, at the new life that she's having, looking back at her mother, her American mother who abandoned her when she was 8 years old. And I think, you know, if you remember some of the characters in the book are mothers, and it's my editor said to me at the end, she said, you know, your book's not only about Paris, it's about mothers. It's about becoming a parent, fathers, you know. And there, you know, it is very much given the subject matter of the book, too, about, you know, people looking at their own ways they were raised and how they treat their children. So, well, and it's based on a real case, my story, a real crime. Oh, that's what I read, something about a serial crime that took place. Was it in Pigalle? It was in the same time. It was June 1998, and it was when, you know, of course, there was the World Cup in France, and the city had World Cup fever. It was crazy. Mm-hmm. And there really was a serial rapist of young girls at this time. And it's a real case. I had met a policeman who worked in the division that works with crimes against children, and he said, "Oh, why don't you come visit me at the office?" Now, I wasn't planning to write about this subject, but whenever a policeman gives you a card and says visit, right, it's always great to go because of the, right. You know, the background I could get and the material. And I was very surprised. It's a special unit, like I guess we have them here, but they are police. But they go out to the crimes and then they, you know, remove the children or they investigate. And their section, their whole wing of their police department was very bright and airy. It was very colorful. They had the rooms where they talked to the children with toys. And the people that I met many of the officers, you know, they're trained in psychological issues. They're in many different things. But they're also police. And I just thought, what is it like for them? Because they had, you know, they had families, they had children. But what is it like for them when they work on crimes, you know, like this, you know, the ugly side of life, and then they go home and they have their own family, you know? Yeah, well, that's you know, and that's people's lives. So I really wanted to explore that a little bit. And then I met one of the young commandants, a woman, and I said, "Well, I'm thinking of writing my book, you know, and in 1998 in June, and is there anything I should know that was happening, you know, just so I'd have background in case Amy LeDuc needed to have this material, you know, just for background?" And she said, "Well, there was a notorious case, this case, you know," and she told me all about it. And so it was like there were so many directions that were pulling me to write about this issue. She showed me the file, explained everything, and she was amazing, you know. So, I mean, this really was happening in the backdrop, you know, of the World Cup fever. So, you know, better fictionalize it a bit. but this is, I mean, I have two questions, I mean, or one, I mean, I was astonished about Amy LeDuc being operating in Paris, you know, and that for an American would have been quite difficult, I would think. I mean, just move in and, but then as you explain, I mean, her background, family background is half and half. Well, she's born in Paris. She was raised there. But her father is French, and he raised her. So she's Parisian. Her mother was American, who abandoned. Oh, okay. She inherited. I see. So then that's where the. Yeah, she is Parisian, but she was always an outsider because her mother was American. Okay. Excuse me, and raised by her father, and he had been in the police force. He was drummed out, and joined his father in the Duke Detective Agency. So they had a detective agency. She inherited it when he died. Okay. And that's based on a real detective agency called Duluc Detective on Rue du Louvre. Okay. I took some people that I took around Paris last October. They wanted to have an Amy LeDuc tour of Paris, and we got to visit the real Duluc detective, and Madame Duluc, who I'd met many years ago, gave us a tour. And it was really, everybody was so thrilled and excited that we actually got to go into Amy's office. But, you know, you must have some kind of a special touch to be able to arrange these things. I mean, even talking to these police women or policemen, And they are, I mean, they are opening up and offering you all kind of information, which maybe a true native Parisian might not be able to get from them as easily as you seem. I was thinking the same thing. Yeah. Well, yeah, I think that's true, but I'm also American, I'm an outsider, and, you know, you know, this is my, 14th book, so I've been doing this for about 18 years. So I have made some contacts along the way. And it's always about meeting someone and then they're saying, you know, you should talk to my brother's dentist. And his father-in-law is a policeman. Do you know what I mean? Okay. And, yeah, you know, yeah, in yeah, France, yeah, it's all yeah. about connections and introductions. So sometimes, and people really want to be helpful. And actually, these people, I still know the man who was in charge of the Princess Diana investigation. Oh, okay. Yeah, and I used a lot of his details in Murder in the Latin Quarter, my book, which took place 2 years after Diana's death. Uh-huh. Two weeks after Diana's death. But I met him through a person of a person, and we met, and of course I take him out and I buy him a nice bottle of wine. You know, it always helps. And one time I said to him, after I'd known him for about 3 years, I said, you know, why are you, you know, you really are nice to me. You really sit down, you explain it to me, and I run a lot of my plot through different police at times, you know, to get the procedure. I don't write a police procedural because she's a detective, private detective. Yes, yes. But I, you know, I have to know the true police procedure. And he said, you know, and he'll go through and he'll tell me, oh, we wouldn't do that, or this is what we use. I said, why do you spend this time with me? And he said, because I want you to get it right. Okay. And they have pride. You know, everyone has pride in their profession, right? And he says, if you're going to write it, you need to get the details correct, you know. And I really, really appreciate that. You know, and I think anyone, even here in San Francisco, I have a person who's a medical pathologist, and a dead body is a dead body, right? Anywhere in the world. So I'll say, would this happen? Could this happen? You know, how would this react? And people are really, and she always wants to tell me and help me, you know, visualize the best scenario for a medical issue. And people are happy to do that in a way, do you know? She says, oh, I'm so happy you asked me, because what we do is not CSI. It's so different. You need to write the truth. Well, Amy. I have a last question very quickly. Oh, you have one last question, yes. Okay. About, so what, how do, what's your relation to the other French, the previous French mystery writers? I mean, like Maigret and the stories of, what was his name? Poirot. And, well, that's kind of he's Belgian. Mm-hmm. But I mean, what does the mystery scene look like in Paris? I mean, from the French. And have any of your books been translated into French? Yeah, well, two of my books have been translated into French. Oh. Murder in the Marais and Murder in the Sentier, my third book, are both translated into French. You know, I read Simenon for years. I mean, my father read him. I love Simenon's. I love Léo Mallet. If you know some of his Nestor Burma. Yeah, Nestor, certainly. Nestor Burma, yeah. And yes, mm-hmm. yes, yes. He inspired me, because Nestor Burma was crime by arrondissement, you know, so I sort of stole Nestor's fire. And I love these books, and they're of a certain era, and they're so atmospheric. Yeah, but Nestor, I wasn't reading anything in the 90s or even now that is, you know, current. Yeah. So I wrote what I wanted to read. I wanted to read about crime and sort of, you know, the darker side of the city of light, you know, off the beaten track, Paris that I was experiencing and getting to know again. And I wanted to write about that. And it's not updated Simenon or Mallet, but it's inspired by that, you know. Yeah, and Mallet Nestor is also a private detective, right? Yeah. He has his agency. Yeah. Oh, okay. Well, thank you. So he Amy. Inspired me. Thank you. We'll keep track of you and announce all the things that you're going to be doing here. And for our audience, look forward to the Alliance Française at March, that's I think Sixth. A Thursday, March 6th. She will be speaking there and signing books, and also at Once Upon a Crime bookstore. At 7 p.m., yes. At 7 p.m. The same day? Day. Come in. Okay. Run. And I've got a song to play for you with Edith Piaf, Sous le ciel de Paris. And here we go. And thank you so much. Yes. I found your book fascinating, and I hope our readers will too. Thank you. Thank you, Carol. Thank you, Olaf. Thank you so much. This was so nice, so interesting. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis

au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java, elle ferme les yeux, les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là-haut. Elle a envie de gueuler cette musique. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique. By Edith Piaf. The first one was Sous le ciel de Paris, Under Paris Skies, followed by L'accordioniste. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir une deuxième invitée, une dame qui vient d'arriver de France, tout juste aujourd'hui, n'est-ce pas, madame? Oui, oui, oui. C'est, nous avons le plaisir de recevoir Michel. Alors, c'est... Peut-être l'autre. Non. Celui-ci. Ou ça, n'importe. Voilà. Là, vous m'entendez, là, c'est vrai? C'est numéro 2. Oui. Alors, voilà. Et notre invité, attention, qui vient de faire un film, qui était... C'était... un film de Canal Plus ou... Oui, enfin, c'est pas... je ne viens pas de le faire. C'est un film que j'ai fait en 98. 1998. D'accord. Et je parle avec... Oh, mon Dieu, j'ai perdu votre nom. Michel Collery. Voilà. Michel Collery. Et c'est Michel Legrave. Parce qu'il y a les deux moyens pour les gens qui nous écoutent. Alors, Michel avec un E, accent grave, oui. Ouais. Alors, vraiment intéressant ce que vous avez fait et ce que vous allez dire au Walker. C'est quand est-ce que vous allez parler au Walker? C'est quelle date? C'est après-demain. Je crois que c'est le 27, donc je suis un peu perdue avec le décalage horaire. Je crois que c'est mercredi. C'est Le 27, je crois. Oui, oui, mercredi. Non, attendez. Oh, je suis perdue parce que je suis décalée avec le... je crois que c'est le 27. Le 27, oui. Après-demain. Après-demain. Oui, après-demain. Oui, d'accord. Et j'ai même votre photo ici, Michel. Ah. Il y a quelqu'un qui nous téléphone, mais on ne peut pas répondre maintenant. Alors, le sujet de votre film, c'est quoi? Alors, le sujet du film, c'est un film d'archives, en fait, qui récapitule 10 à 20 ans de l'histoire des Scopitones. Les Scopitones, ce sont des, c'est ce qui précédait les clips. La différence avec les clips, c'est que c'était des films qui étaient tournés avec de la pellicule cinéma. Pellicule argentique, alors en 16 mm, souvent, quelquefois en 35 mm. Et c'était des petits films qui étaient faits à destination des cafés. On les regardait dans les cafés, dans des machines qui ressemblaient à des jukebox, mais des jukebox avec un écran de télévision. C'est-à-dire qu'on pouvait entendre la musique et voir le chanteur. Non, non, c'est typiquement français. Oui, oui. C'était en France. C'était en français. Bah, c'était surtout en France parce qu'en fait, en France, dans les années, à partir du moment où l'immigration de nord-africaine a commencé à exister. Alors, l'immigration nord-africaine a plusieurs raisons. Il y a eu un courant d'abord avec les harkis, mais c'est surtout les ouvriers, vous savez, des ouvriers qui venaient travailler en France dans les usines Renault, Peugeot, Citroën. Et ces ouvriers venaient en grand nombre, enfin c'était des centaines de mille qui venaient travailler en France, et ils étaient seuls, sans leur famille, sans les femmes, sans les enfants. Et donc, ils étaient logés dans des hôtels très pauvres, des foyers. Et le soir, ils sortaient dans les cafés. Et pour cette clientèle des cafés, Madame Davis Boyer, donc qui a réalisé, qui était productrice, a proposé à un moment, elle a eu l'idée avec d'autres, notamment le monsieur qui fabriquait les machines à Scopitone, parce que les Scopitone existaient déjà dans les cafés, mais on diffusait des chansons françaises. Donc ces gens ont eu l'idée de faire des films pour cette clientèle nord-africaine, surtout algérienne, un peu marocaine, mais beaucoup d'Algériens surtout, et de filmer leurs chanteurs préférés et de les diffuser dans les cafés. Donc ils mettaient une pièce dans la machine et ils avaient la chanson qu'ils voulaient, ils choisissaient comme on choisit sur un jukebox. D'accord. Si vous permettez un peu en anglais, for our listeners at home who are wondering what's going on because they don't speak French, Michel here, Michel Colery, has produced a film or directed a film called Trésor des Scopitone. And what is a Scopitone? Well, it was a wonderful machine, sort of like a jukebox, but you could see performers. It was a predecessor of video clips. But and this all happened in the 60s, in the 1960s, when there was a huge wave of immigrants who came into France by the hundreds of thousands. Yes. You can't hear us? You can't hear? I can't hear you. I can hear Michelle. Oh, she can't. Okay. But she can't hear you too well. There. Okay. Now maybe pull the microphone closer. How's that, Michelle? Comme ça, c'est, ça va. Mais comme j'ai pas le casque, vous voulez pas que je mette un casque? Peut-être je m'entends. Ouais. Voilà. So as I was saying, the Scopitone were a wonderful thing for all the. There were hundreds of thousands of immigrants from North Africa, especially Algerian, but also from Morocco and some of the other North African countries, and they were lodged in kind of boarding houses and were all alone without families, and at night they went to the cafes, and this was a great entertainment for them. At first, there were only songs in French. But then, on arabe, en arabe, en arabe. Ah, les chansons étaient en arabe, oui, bien sûr, en arabe ou en kabyle. Le kabyle, qui est une langue parlée en Algérie, en kabylie, qui n'a rien à voir avec l'arabe, qui est la langue. C'est-à-dire que les Arabes ont envahi l'Algérie au temps de Mahomet. mais il y a quand même, au départ, en Algérie, il y avait la Kabylie et les gens parlaient kabyle. Et c'est vrai que l'essentiel des chansons des Scopitone sont chantées en kabyle parce que, en fait, les kabyles sont des grands poètes, des grands résistants, justement. Ils ont toujours résisté à cette. À cette mentalité arabe, ils se sont toujours considérés un petit peu comme. Ah voilà, c'était pas allumé. It was me. They couldn't hear. Ah, voilà. C'était moi. Voilà, c'est bon là. Sorry for that, listeners. I didn't have. The mic on here, but our guest is Michelle Colery telling us about her film, which was about Scopitone and the influx of Arabic and Kabyle speaking. Oui, surtout Kabyle, oui. Mais enfin, bon, il y a aussi des chansons en arabe, puisque parmi les Scopitone, dans les machines, on mettait aussi des extraits de films égyptiens ou libanais. Donc, dans le film des Scopitone, il y a des grandes stars égyptiennes, comme Farid El Atrache, Abdelali Mahfez, ou alors Saba, qui est une grande chanteuse libanaise. Alors, eux chantent en arabe, par contre. Mais les chansons algériennes, Idir, par exemple, c'est un grand, grand chanteur kabyle, et il chante en kabyle. Mm-hmm. For our listeners at home, many of the performers were singing in kabyle, which is a completely different language and a different culture, especially in Algeria. Mais ils comprennent, hein, mais... Berbère. The c'est pour ça que le titre du film, c'est Trésor de Scopitone arabe, Kabyle et Berbère. Mais Kabyle et Berbère, ça veut dire la même chose. C'est juste qu'au Maroc, il n'y a pas de Kabyle. Et donc Berbère était plus adapté pour le Maroc. So these people were kind of the resistors. The Arabs came in at the time of Muhammad, approximately, and conquered the North Africans, who were a separate culture, the Kabyle or Berbers. Alors, en même temps, les Scopitone montrent quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que pour le monde arabe, parce que les Kabyles font quand même partie, malgré tout, malgré eux, du monde arabe, les grandes stars étaient les stars égyptiennes, Oum Kalsoum, Farid El Atrache, Abdelali Mahfez, c'était les chanteurs précédents, c'était la génération encore avant. Dans les Scopitone, on voit que ces chanteurs des années 70 suivaient la mode, c'est-à-dire ils suivaient le rock'n'roll, le rhythm and blues, la libération sexuelle aussi, qui est typique des années 70. Et ce qui est très étonnant, c'est que dans ses chansons, il chante justement la liberté, ce qui a beaucoup étonné les jeunes d'aujourd'hui en France. Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu parler quand même de ce retour à l'islam. La génération d'aujourd'hui est assez surprise de voir que leur père ou leur grand-père était beaucoup plus libéré ils buvaient de l'alcool, ils buvaient du vin. Ah oui. Bah, oui, dans le film, on les voit boire. Hein, on les voit boire avec des filles. On comprend. Les petits films font comprendre que à la fin de la semaine ou à la fin du mois, quand ils ont gagné leur argent, ils vont au café avec des filles, boire de l'alcool. Ils s'enivrent. Donc, c'est assez choquant quand même pour la génération d'aujourd'hui. Qui justement, je parle des banlieues bien sûr, hein, des jeunes des banlieues qui sont menacés de ce retour à l'islam. Donc ils sont très très étonnés. Oui. Et même en Algérie d'ailleurs, moi je suis allée montrer le film en Algérie, et en Algérie aussi les gens étaient un peu choqués quand même de voir ces ouvriers boire de l'alcool dans les cafés. Enfin, pas les ouvriers, disons que les chanteurs miment, les ouvriers, les chanteurs, ce sont des chanteurs, ce sont pas des ouvriers qui chantent, bien sûr. Mm-hmm. What she said was astonishing is the young people of today, especially those among the grandchildren of the original immigrants, to see their fathers and grandfathers who at the time were drinking alcohol and going out because they were much more liberal in those times. There's been a huge return to a rather basic Islam. Right now, very strict. You actually have a scene in your film where this guy sits there and drinks, and the proprietress tries to cut him off from it. He says, "Why, I've never seen you." So this is. Because alcohol is forbidden, but at this time they showed on the Scopitone. The people, the actors, pretending to be the workers who were drinking alcohol and going out with girls and that type of thing. C'est-à-dire que ce sont les chanteurs qu'on voit dans les Scopitone, ce sont des artistes. qui vivaient comme des artistes aussi, hein, donc avec une situation un petit peu à part. Mais par contre, ils étaient très sensibles au racisme, aux problèmes du chômage déjà qui commençait, parce que bon, les années 70 en France, c'est déjà les débuts de la crise économique. C'est déjà il y a eu le premier choc pétrolier qui a lieu en 73, et déjà il y a énormément de licenciements dans les usines. Et on parle dans les chansons, c'est évoqué ce problème du chômage, du racisme. On voit des par exemple, on voit un chanteur qui se fait tabasser battre par la police, et un autre qui explique que si tu t'appelles pas Bernard, tu peux pas trouver de travail. Enfin, oui, c'est très évoqué quand même tout ça. Et donc, il y a quand même une conscience politique par rapport au monde du travail qui aujourd'hui c'est un petit peu perdu. Enfin, disons que dans les banlieues maintenant, la révolution, c'est la révolution islamique plutôt. C'est pas la révolution politique. Hein. C'est pas tout à fait pareil. She's saying now in the suburbs, it's just where most of the immigrant peoples settled. It's a revolution, but it's not not the revolution that we would think of, but an Islamic revolution. Bah, c'est une révolution différente, puisque ces ouvriers qui venaient travailler en France, eux, ils avaient envie de s'adapter à la France. Ils étaient contents, contents. Les conditions étaient très très difficiles, mais ils étaient contents quand même d'être en France, et ils faisaient tout pour s'intégrer. Aujourd'hui, on est arrivé à la troisième, même à la quatrième génération d'enfants d'immigrés qui sont nés en France. Alors eux, ils sont français, puisqu'ils sont nés en France. Ils sont là depuis quatre générations, enfin trois ou quatre générations. Mais justement, ils ont un problème d'identité, et pour eux, la meilleure façon de retrouver une identité par rapport à la France, c'est la religion. Un problème qui ne se posait pas dans les années 70. Dans les années 70, les Maghrébins qui venaient travailler en France, certains avaient décidé que, ok, ils étaient musulmans, mais ils mangeaient du porc, ils buvaient du vin, ils vivaient à la française. She said that now it's the third or fourth generation since these immigrants came over from North Africa, and they, I think we're saying something on the video here that we're going to try to put the music on, that when the first immigrants came over, that they decided, well, they were just going to do like in France and eat pork and drink and whatever. But now things have changed, and the revolution is back towards a revolution in religion. What do they call themselves? Comment ils s'appellent eux-mêmes, là, les Berbères? Il y a maintenant un mouvement. Il y a un mouvement. Voilà. Comment ils s'appellent? De toute façon, qui essaie d'avoir, c'est surtout en Maroc, qui essaie d'avoir le berbère dans les TV, dans les etc. Ah, oui. Et qui se sentent pas vraiment trop attirés par l'islam. Il y en a qui veulent. Si on peut, je vais jouer la musique pour nous. Ce que je peux vous proposer, je sais pas si vous avez accès à Internet, c'est sur YouTube, il y a des chansons du film. Okay, là, vous pouvez trouver par exemple Vigon, Vigon, V-I-G-O-N, il est sur YouTube. Okay. Il y a exactement le Scopitone qui est dans mon film. Ah bon? Donc vous pouvez le trouver, au moins lui déjà. Ah d'accord. Soi-disant, on peut jouer du film aussi. Ah oui, ou alors le film il a été mis en ligne aussi, mais sur Vimeo. Mais par contre, Vigon, vous pouvez le trouver si vous faites YouTube, Vigon. C'est Harlem Shuffle, la chanson. Harlem Shuffle, oui. D'accord. Oui, c'est ça qui est amusant dans ces films des Scopitone, là, du film que j'ai fait. Alors, je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec Anaïs Prosaïque. Nous sommes deux réalisatrices. Et ce qui est amusant, c'est d'avoir retrouvé ces films où, quand on voit par exemple un chanteur comme Vigon, on a vraiment l'impression que c'est un Américain. On n'a pas l'idée que c'est un Marocain. Il chante en anglais avec un accent. Et donc ça, c'est amusant de voir ce genre de chanteur. Il est tout mince. En plus, il a la peau noire. Il ressemble un peu à, je sais pas à qui, pas à James Brown parce qu'il est très maigre. Mais peut-être à Prince ou ah bah Prince de Minneapolis. Mais il est très fin, il est assez beau d'ailleurs, et il chante. On dirait vraiment. Moi, j'étais très surprise de le voir la première fois parce que quand j'ai su qu'il était marocain. Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Vigon. Vigon is a Moroccan star that she's mentioned. Marocain. Yes, from Morocco, and that. He is on YouTube now, and this song that we're looking for right now is Harlem Shuffle. Where is the, comment ça s'appelle? Je suis sur YouTube, mais il faut... Vigon, il s'appelle. Avec si un V. Si j'ai joué une chanson pendant qu'il cherche, hein? Oui. D'accord. On va écouter quelque chose de moderne, plus ou moins. Bertrand Belin qui va chanter. Ah, j'adore. Y en a-t-il? Suivi par Neige au soleil. Ah, j'aime beaucoup Bertrand Belin. Ah, ouais. Ouais. Il y a ce chien pour se taire à mes jambes. Et le soleil, bien un chien pour se taire à mes jambes, bien le soleil, y en a-t-il un pour me dire qui je suis venu rejoindre.

Boxeuse AX, ex-boxeuse Moulinex Alix, s'excite un max sur la belle Axel. Mexicaine en exil, l'exhibe au grand Rex, s'explose au duplex, mais l'excès d'extasie l'exténue, exagère. X, X, X, just an exercise. Exciting for diction, X, X, A, A, L. X, X, X, just an exercise. Exciting for diction, X, X, L. Félix, taxi, relax, se paxe à Xavier, qui excelle à ses examens, exulte au sax, femme des textes, jamais laxiste sur le latex exemplaire. X, X, X, just an exercise, exciting for diction, X, X, A, A, L. X, X, X, just an exercise. Exciting for diction, XXL. Alex explique à Max un peu perplexe l'exploit de sa désintox. S'oxygène, box à Dax, exit, Tranxène, Xanax. Roxane, experte en luxure, explore à Oxford l'exégèse, paradoxe d'une orthodoxe expliquant l'existence extrémiste explosif. Just an exercise, exciting for diction, X, X, A, A, L. X, X, X, just an exercise, exciting for diction, X, X, L. Alix, Alex, Alix, Axel, Félix, Xavier, Roxane. Alex Max, Alix Alex Max, Axel. Je t'envoie un million de baisers de ma bouche. Je t'envoie ma lettre de démission de tout ce qui n'est pas toi. Je t'envoie des cordes et d'anges dans leur panier. Je t'envoie la luxure de mes pensées. Je t'envoie un petit baiser et 100 000 regrets de ne pouvoir te le porter en personne. Je t'envoie un poème et une chandelle et une soubrette et l'ivresse des jours enchaînés. Je t'envoie Paris via la Sibérie en FedEx, les ponts et le tournis et la lumière mourante des réverbères. Je t'envoie le monde tout entier, la nuit partie vers l'Asie, et la terre entière sur sa cloche d'hiver, et l'étoile qui passe, et l'étoile qui passe. Je t'envoie une carte d'anniversaire, car je n'ai plus 20 ans, et que mon cœur se serre, comme si jamais plus je ne devais être aimé par toi comme avant, par toi comme avant. Je t'envoie mes jours perdu, pendu. Le bon Dieu nous l'a-t-il donné ce temps, ou bien plutôt prêté ou vendu. Je t'envoie des fenêtres brisées par des oiseaux dans ma poitrine, un petit moineau pour que tu le câlines. Je t'envoie mes compliments pour la petite sauterie du théâtre, mais je ne t'en veux pas. Oh non, pas à toi, non, pas à toi. Je t'envoie mon cœur. Je le porte aujourd'hui sous un pull à vert rouge, et je pense qu'il devrait très bien t'aller. Mais tu sais que le seul type que je déteste assez au point de lui tirer dessus, c'est moi-même. Alors ne t'en fais pas, je serai là demain, 5h50, 3-6, terminal 2B, 5h50, t'attends. Well, you heard two modern ones here. The first one was by Fabienne Pralon, XXL. She's not too well known, but she's on her fifth album. On peut pas accéder, The second one was Raphael Terminal 2B, and he is a heartthrob, but he's also made a way in the world with four albums and a well-formed style. Donc on continue avec l'interview, ouais, c'est parce tout. Que vous voyez, regardez là, quand je clique sur DVD, vous n'avez pas le logiciel qui permet de, de le regarder. Bah, tant pis. Well, we have technical problems here. We'd hope to bring you the music from the DVD of the film made by our guest, Michel Colery, but we're having problems getting the right equipment together here, so. Alors, on va continuer avec l'interview, c'est tout. Oui, vous n'avez pas VLC. Il faudrait le télécharger, mais ça prend trop de temps maintenant. Oui, maintenant, c'est... Ben, ça va. C'est pas grave, ils viendront le voir au Walker. Ben oui. Donc, tant pis pour l'enregistrement, Michel. On va continuer à vous. Le trésor du Scopitone, cette machine vraiment intéressante. Puis, qu'est-ce que vous pouvez dire des artistes? Vous avez fait une réunion, n'est-ce pas, pour le film? Oui, alors d'abord on a trouvé les films qui étaient en négatif et qui étaient tout neufs, parce qu'ils étaient depuis 20 ans ou 30 ans dans un garage en bobine. Et donc on a fait transférer les négatifs en positifs. Et quand on a reconnu les Scopitone, on était très étonnés parce qu'ils étaient impeccables, quoi. Ils étaient dans un très très bon état et très bien filmés, avec des belles couleurs. Puis bon, c'est quand même la qualité de la pellicule qui est quand même plus jolie que la vidéo. Et donc l'idée après a été de retrouver ces chanteurs. Alors certains étaient morts, mais d'autres étaient vivants. Et donc on a retrouvé énormément de chanteurs qui sont venus au café et qui ont revu les films qu'ils n'avaient pas vus depuis 30 ans. Mais comment vous allez trouver, vous en avez cherché, ou est-ce qu'il y a quelqu'un que vous avez dit... parler de ça, en fait, c'est, c'est par hasard qu'on c'est a un trouvé petit ça. Peu, c'est un petit peu par hasard, parce que depuis, moi, avec Anaïs, on avait déjà fait des films qui concernaient le monde arabe, toujours autour de la chanson, du cinéma, enfin toujours qui tournaient autour de la culture. Et donc, nous sommes allés en Syrie, au Liban. Enfin, moi, j'étais allée en Algérie. Et à chaque fois, je cherchais ces Scopitone, parce que les gens de Canal+ étaient très intéressés pour faire un film, un documentaire sur les Scopitone. Et on avait tous le souvenir, quand on était enfant, d'avoir vu ces films dans les cafés. Et on disait, mais où sont passés ces Scopitone? Parce que quand les cafés ont arrêté de diffuser des Scopitone, les machines ont disparu. Et on n'a pas su ce qu'étaient devenus les films. Et moi, par exemple, je pensais que ces films avaient été produits dans un pays arabe. Donc, et je pensais, moi, dans ma tête, c'était ou l'Égypte ou le Liban. Et donc, quand je suis allée au Liban, j'ai demandé, est-ce que vous savez où sont les Scopitone? Bon, personne ne savait. Même à chaque fois, les gens nous regardaient en disant, mais c'est quoi les Scopitone? On ne connaît pas. Et puis un jour, en faisant un autre film, je voulais faire un film, enfin, on voulait faire un film sur les chanteurs juifs du Maghreb. Et donc, je savais que cette dame, Madame Davis-Boyer, avait fait des films sur ses chanteurs. Et donc, en allant chez elle chercher ses films, avec Anaïs, on a vu des bobines qui étaient sur le sol avec marqué « arabe » dessus. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, arabe? C'est quoi, ça? Elle me dit, oh, c'est rien, c'est des chansons, ça n'intéresse plus personne aujourd'hui. Et là, j'ai tout de suite pensé, j'ai dit, c'est pas vrai, les Scopitone sont là. C'est à Paris, quoi. On n'a jamais eu l'idée. Ben, c'est dans la banlieue parisienne. Enfin, c'est une dame qui habite tout près de Paris, à Sèvres, qui est une banlieue un peu chic de Paris, et qui est productrice, et donc qui a des milliers de Scopitone chez elle, parce qu'elle a filmé toute la chanson française. Elle a même filmé d'ailleurs des chanteurs de jazz, des musiciens. Mais je ne savais pas qu'elle avait filmé aussi des Arabes. Et donc, elle m'a expliqué, elle me dit oui, quand j'étais jeune, alors elle m'a raconté ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pour cette clientèle d'hommes célibataires qui travaillaient à l'usine, il fallait une distraction. Et donc, l'idée a été de mettre des films de chansons arabes pour eux dans les cafés, dans les machines à scopitone. Bon, mais peut-être je peux donner un résumé de... So the question was, I mean, all right, the Scopitone, these films were actually found in a garage or dans some un garage. In a garage, absolutely thousands, absolutely perfect, and they had, I mean, whereas they had disappeared, I mean, disappeared from sight. And from Michelle had been, Michelle had, my question was, did you find them by accident or did you really do this by detective work? No. She says they had been interested in Arab and films and musicians for a long time. And she thought that the originals or copies of the, would be either in Egypt or Syria or where she also had worked. But then on a, very fortuitously, she had some talk to who was the lady, a filmmaker, who had in Sèvres, who had been working on filming musicians and music in France, and here she there's a pile of films with the simply indicated as Arabic. So then, of course, the lights lighted up, and that's how she found them. Et puis alors? Et alors donc cette dame, elle fait quand on était enfant, par exemple, moi je me souviens qu'il y avait des émissions de variété à la télévision, et tous les films qu'on voyait sur les chanteurs français, c'était tourné par elle, quoi. Et là, d'un seul coup, on trouve ces trois bobines. Alors, c'était trois grandes bobines, grandes comme ça, des bobines de cinéma. Et à partir de là, bon, on a fait... Sa fille était monteuse cinéma, donc elle avait un appareil pour monter. Et on a fait le montage chez elle. Oh là là. Enfin, le montage. Oui. Pas le montage du documentaire, mais on a remis tout en... On a regardé tous les films qu'on voulait garder, quoi. So you looked at all those Scopitone and you kept the ones that... Did she simply give them to you? Non, en fait, elle me dit, prenez-les, je vous les donne. Bon, alors, moi, je dis, oui, mais à la télévision, on n'a pas le droit, on ne peut pas passer des films comme ça. Il faut des droits, il faut payer des droits d'auteur. Ah. Donc, j'ai quand même pris les films, je les ai emportés chez moi, et puis j'ai regardé la pellicule comme ça, et j'ai vu dans la lumière que c'était effectivement des chanteurs arabes. Ah. Et après, je suis allée voir Canal+, en leur disant, j'ai trouvé les Scopitone. Et donc... À ce moment-là, ils m'ont dit, bah oui, mais on fait quoi si on n'a pas les droits, on ne peut pas les passer. Donc, je suis retournée voir la dame en disant, il faut que vous trouviez les réalisateurs pour demander les droits d'auteur. Et ça a pris un temps très, très long. Ah. Parce que le principal réalisateur, qui s'appelle Alain Brunet, vivait en Iran. Apparemment, il avait des problèmes avec le fisc en France. Enfin bon, je ne sais pas, c'était une histoire un peu compliquée. Et donc, le temps de retrouver Alain Brunet, de négocier avec lui, il s'est écoulé plusieurs mois quand même. Ça a été très, très long. Et finalement, ça a pu se faire. Voilà. She went and picked up and the lady gave her the Scopitone. But the problem remained of author's rights and performer's rights. Michelle took them home and saw that they were Arab singers. And so they found out who the people were, and it took an awfully long time because these people had scattered to the four winds. One was in Iran. And finally, they had the rights, and they were able to use them. And there we are, and you were able to make your film. Which, will you show this when you speak? Vous allez montrer le film? Au chanteur? Non, Walker quand vous parlez. She said that probably the film will run all the time. I mean, you can go. Ah, ça va être continué. Ça va. Le film va être D'après ce que j'ai compris. Oui. Le film est diffusé en permanence dans la galerie du Walker. Oui, oui, oui, oui. Mais après-demain, donc le 27, il y a un show avec moi qui fais une présentation et peut-être les gens vont poser des questions. So she will speak February 27th at 7:15 about this, but you can see the film running in permanently. Mm. How long, combien de minutes? 52 minutes. 52, oui. Ben, c'est formidable. Hein? Donc, sur les bobines, il y avait évidemment beaucoup plus de films que pour 50 minutes. Ah oui, oui, bien Donc, sûr. Comment ben, vous avez... C'est-à-dire que 52 minutes, c'est le format imposé par la télévision. Ah bon, bon, bon. Et bon. C'est-à-dire que dans les films, sur les trois bobines, il y avait des tournages qui étaient plus ou moins réussis. Mmh. Quelquefois, c'était le son était moyen, l'image était moins belle. J'ai beaucoup regretté de pas pouvoir mettre de films de Oum Kalsoum parce que la qualité était trop mauvaise. Mmh. Et comme les Scopitone étaient tous ceux qu'on a choisis pour le film étaient tous très bons, avec une belle qualité visuelle et sonore. Mmh. Ça aurait cassé par exemple Oum Kalsoum, elle a été filmée, alors je sais pas si ça a été des films pirates ou si c'est mal filmé par des réalisateurs, mais c'est tout sombre, on n'entend pas bien sa voix, et donc ça aurait gâché, parce que c'est quand même une immense chanteuse, et je voulais pas gâcher sa qualité par une mauvaise qualité de... Enfin, Oum Kalsoum, en plus, elle est tellement connue, tellement célèbre, qu'elle n'a pas besoin des Scopitone pour être connue. Quoi. C'était, ouais. Tandis que les chanteurs qu'on voit dans le film sont des chanteurs qui, finalement, sont connus des Algériens de cette génération, mais pas tellement connus des jeunes, par exemple. Oh. The question I asked was, so how long the film is? 52 minutes. And my question was, well, there were more than 52 minutes on these three reels. Mm-hmm. Certainly, but the thing is that they picked out the absolutely best sound and light qualities. And for example, there was Jajum. Oum Kalsoum, oui. Who is a famous singer, but the rendition was not very good in sound or in the picture, and so it wouldn't have been. It would have been not fair to her to do it this way, and also not fair to the film to have a very nice, good technical views and then suddenly come up with a somewhat inferior technical rendition. So the film is based on the absolutely best renditions that were findable in these reels. Mais en réalité, on a fait deux films. On a fait celui-ci là de 52 minutes avec les interviews, et on en a fait un autre uniquement musical qui dure 26 minutes, qui est passé dans un autre programme, toujours sur Canal Plus, qui est passé dans un programme musical. Donc il y a deux films quand même. Ça fait 52 plus 26. Ça fait à peu près... 7,78. Oui. Vous avez pu trouver des artistes qui chantaient et qui étaient dans ces Scopitone? Ah oui, on a retrouvé des chanteurs. Ça devait être intéressant. Ah oui, c'était... C'était très émouvant de les retrouver. Bah, c'est eux qu'on voit dans le film qui commentent, ils font les commentaires sur leurs propres chansons. Et ils évoquent les souvenirs, les tournages, comment ça s'est passé. Combien de temps ça va être là? C'est seulement au Walker. Est-ce que c'est plusieurs? Non, seulement une journée ou... Je crois que ça passe en permanence dans la galerie. Oui. Mais après, il y a une projection dans la salle de cinéma, je pense. Oui. Et vous allez être ici seulement quelques jours, non? Moi, je suis là jusqu'à dimanche, mais la présentation, elle a lieu jeudi. OK, so she will be here until Sunday, but her presentation will be on Thursday, the 27th, 7 p.m. at the Walker Art Museum. Alors, Merci beaucoup, Michel. Et pardon pour les fautes de technique ici, mais on manquait la machine qu'il fallait vraiment. Pas de problème. Maintenant, il faut ressortir le DVD, autrement. Oui, c'est ça. Je vais m'en occuper là tout de suite. D'accord. Votre voyage, c'est bien passé, je veux dire, de Paris. Très bien, très bien. Et vous êtes basé C'est la première fois que vous êtes ici à Minneapolis. Oui, la première fois, oui. Quelles autres villes est-ce que vous avez connues Des États-Unis. Des États-Unis. Je connais New York. Oui. On a traversé New York par le nord, par Cleveland, les Grands Lacs, le Wyoming, puis après toute la Californie. Oui, mais ça, c'est bien. Ouais. Mais est-ce que vous avez d'autres films que vous avez fait avant Oui, j'avais fait un film sur l'âge d'or du cinéma syrien, avant qu'Hafez el-Assad mette la main sur... Donc, c'est un peu ce qu'on appelle... Enfin, je ne sais pas comment vous appelez ça aux États-Unis. C'est un peu de la série B. Des films un peu de divertissement, avec beaucoup de chansons, de danse. Et donc, j'ai fait une sélection de ces séquences où on voit la danse, la belly dance. Et donc, on a fait un petit film aussi uniquement là-dessus, sur ces séquences de cinéma qui datent des années 50. C'est très joli, très beau. Et autrement, j'ai fait ce film aussi sur les chanteurs juifs, surtout du Maghreb, surtout algérien d'ailleurs. The question was, what other films have you made? And she has made one on the golden age of Syrian films and others on the Jewish singers in the north of Africa. And pas en Italie, j'ai vu où vous avez... Ah oui, j'ai vécu en Italie. J'ai vécu en Italie et j'ai un peu travaillé pour la télévision, oui. Vous avez commencé à être intéressé par les films? À vrai dire, j'ai commencé par faire de la radio. Ah bon? Oui, j'ai fait de la radio d'ailleurs en Italie. J'ai continué au Qatar pendant 2 ans. J'étais productrice de 2 programmes radio, toujours en relation avec la musique, musique et cinéma, littérature, toujours sur le domaine culturel. Et là, je passais beaucoup justement de chansons arabes déjà, parce que comme on avait cette immigration arabe, on avait beaucoup de chansons qui nous venaient, par exemple le rail. Je ne sais pas si vous connaissez ici le rail. Oui, voilà. Je cherchais partout l'étoile filante de Jamel Laroussi, je l'adore. C'est très joli. C'est du rail, non? Quand j'habitais au Qatar, c'était la grande mode du rail. C'était dans les années 90. Et donc, je passais énormément de chansons de rail que là-bas, au Qatar, les gens ne connaissaient pas. Et ça m'amusait beaucoup parce que dans les chansons de rail, on parle d'alcool. Et tout ce qui était interdit au Qatar, en fait, était dit dans les chansons. Mais ils comprennent pas l'algérien. Donc, ça me faisait rire de les voir danser. Puis je disais, s'ils savaient les paroles. She's talking about she was in Qatar and playing music, rye, which is just a wonderful brand of music, and the people in Qatar didn't understand it, but because they don't understand the Algerians, but they were talking about alcohol and all kinds of things. Forbidden in Qatar, yes. Forbidden things in Qatar. Nous vous remercions beaucoup d'être venu ici. Merci. Je vous parle encore. Et on va trouver votre DVD. Et entre-temps, on peut jouer encore une chanson. Alors, pour nos auditeurs, venez voir Michel Collery. Elle va parler le 27 à 7h au Walker. Elle va parler des Scopitone. Alors, pour la musique, voici Sarah Zepili, Promets-moi, et Mathilde en juillet, où le corps n'était pas. Si l'hiver se termine, cesse de nous jouer ces mauvais tours. Promets-moi, si l'hiver se termine un jour, que la glace brise sous nos pas, et printemps vole à notre secours. Promets-moi.

this was Ray Rai, one, well, a song in the style of Rai. And basically we're playing this with Michelle. She was saying that's the kind of music that the generation before the Scopitone were actually involved in. And but at least it gives you some flavor of the music. And the music was by actually a guy pretty well known, by Seba. And maybe we'll bring a couple more, because he has some very funny ones, but oh, not really? Today. Mm-hmm. Very funny ones about going to the grocery store and so on in Algiers. So we'll see about that later on. I mean, next month. Here's a couple of announcements. Don't miss Carol Black, who will be speaking at the Alliance Française on March 6th. That's Thursday, from 5:30 to 7. It's free and open to the public. She just spoke here on the show. She has 14 books and is a New York Times best-selling Amy LeDuc series. She will also be appearing at Once Upon a Crime, 604 West 26th Street in Minneapolis. That's a great place to visit, too. Interesting. The Minneapolis Institute of Arts is having a visite en français to visit the newly opened masterworks of Matisse from the Baltimore Masterworks of the Baltimore Museum of Art. This will be in French. It's reserved. It's going to be March 18th at 12:30 and Saturday, March 29th at 11 in the morning. Space is reserved for Alliance members only, and call to reserve your spot. Mardi Gras at the Dakota Jazz Club is Tuesday, March 4th from 5 to 7. There is a price, with a price break for members of the Alliance, but Laissez les bons temps rouler with Jeune Cadre Dynamique, my young professionals, mass hors d'oeuvres, and live music. Drink special, the Hurricane. Traditional Jazz Phenomenon is going to be playing Sunday, March 9th at 9 p.m., Dakota Jazz Club. Her name is Cecile McLaurin-Salvant. She performs unique interpretations of unknown and scarcely recorded jazz and blues compositions. March 9th, Sunday at 9. Cine Club. This will be Friday, February 28th. Je crois que je l'aime, a 2007 movie by Pierre Jolivet. And that will be on in French with subtitles at the Alliance Française. 7 p.m. Friday. La chanson en salle de classe, a formation pour professeurs de français langue étrangère. Learning songs for helping teach in the class. You can call the Alliance and find out if it's reserved places. Call 612-332-0436. On Thursday, March 6th, the Ensemble 61 will present The French Connection at Antonelli Hall at McPhail Center for Music. This is an evening of French and American music featuring French contemporary masters alongside esteemed composers from our own backyard. There'll be works by Olivier Messiaen, Tristan Muraille, Bruno Mantovani, and American composers Anthony Chung, Alvin Lucier, plus local luminaries Mary Ann Childs and Kirsten Broberg. It doesn't give a time here. Thursday, March 8th. So you'll check that out online. It's at McPhail Center, the Antonelli Hall at McPhail Center for Music. Job opportunities at the Alliance Française. Check it out for cultural programs coordinator. Around in the cities, the moving company, that's the members of the former Jeune Lune, will be performing at the Lab Theater. It was written by Stephen Epp, and it's through March 2nd. The play is called Out of the Pan and Into the Fire. That is through March 2nd. On Saturday, March 8th, at 8:30 p.m., an Italian film festival celebrates their sixth year. And voici des annonces. In order to know your history, you have to know the facts. It's time for Do You Know the Facts? What social realist artist, historian, whose work is characterized by tempera and gaucha paintings of genre scenes of African Americans and their social struggles? The answer in just a moment. If you said Jacob Lawrence, you are correct, and you know your facts. Stay tuned for more facts during KFAI's special programming for Black History Month. For more details, visit kfai.org/BHM2014. This has been a moment in Black history. For KFAI, I'm Robert Easley. Changing how you get around? KFAI would love to turn your vehicle into great community radio programming. You can donate your car, truck, van, RV, boat, motorcycle. Any vehicle you no longer use can be a great help to us. After a few minutes of paperwork you'll fill out online, we'll get a tow truck headed your way. Find out more about donating your vehicle at kfai.org. Go around the world in 4 hours with the cutting edge in global music on KFAI, 8 p.m. to 12 a.m. weekdays. It's getting time for us to close down here, so we'll play you our last song. Will be Francis Cabrel. Ah, je vais dire en français, carte postale. Allez, au revoir, Olaf, à la semaine prochaine. Au revoir, Caril. Oui, à la semaine prochaine. J'ai quelques nouvelles sur le guide Michelin et les étoiles, mais ça sera pour la semaine prochaine. Il vient de sortir. Oubliez les dames et les jeux de cartes. Endormis les fermes quand les jeunes partent. Brisez les lumières des ruelles en fête. Refroidis le vin brûlant les assiettes. Emportez les mots des serveuses aimables. Et disparus les chiens jouant sous les tables. Déchirez les nappes des soirées de noces. Oubliez les fables du sommeil des gosses. Arrêtez les valses du dernier jupon. Et les fausses notes des accordéons. C'est un rameau perdu sous les étoiles, avec de vieux rideaux pendus à des fenêtres sales. Et sur le vieux buffet, sous la poussière grise, il reste une carte postale. Coudronner les pierres des chemins tranquilles. Relever les herbes des endroits fragiles. Déserter les places des belles foraines. Assécher